Exercice 9, page 124. Virelangue. Pierre prend le panier près du piano. Pierre prend le panier près du piano. Pierre prend le panier près du piano.